Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 14-18, la guerre racontée par les archives, une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a un centenaire et une guerre qui n'en finissent pas, des témoins disparus et des commémorations qu'il ne faut pas négliger. Il y a une génération sacrifiée dans une boucherie épouvantable et un moment de bascule quasi mondial. Mais d'abord, il y a l'envie d'écouter l'histoire, racontée par ceux qui l'ont vécue. Alors pour commencer, les personnages. Jaurès, un jeune socialiste, un engagé, des enfants chauffés à blanc, des réfractaires, Guillaume II, une agricultrice en suspens, une jeune mariée, un président, un pacifiste qui s'engage, un soldat qui en rit, Colette, des émissaires allemands et une jeune fille qui veut voir. Ensuite le décor, des coups de canon, un assassinat, un crime passionnel, la mobilisation, un café, l'Alsace et la Lorraine, la Prusse, des sardines, du pâté, du poulet, les moissons, le tocsin, des adieux, une farandole, la stupeur dans la torpeur de l'été et la propagande. Aujourd'hui, premier épisode, c'était il y a 100 ans. L'Europe était rayonnante. Il avait pu sembler qu'il n'y aurait plus de guerre. La guerre aujourd'hui, voyons, mais c'est impossible. Nous entrâmes donc dans la guerre avec une sorte d'horreur sacrée. Tout le monde avait pensé, il faut en finir. L'Allemagne nous avait cherchés, comme disait le peuple. Elle nous trouverait. LSD, la série documentaire. 14-18, la guerre racontée par les archives. La mobilisation en plein été. 31 juillet 1914, Jean Jaurès est arrivé tard à l'humanité. L'état de danger de guerre a été proclamé en Allemagne. Est-ce la mobilisation? Est-ce la guerre? Jaurès anxieux a conversé tous les jours avec les ministres. Trois pensées l'ont animé. À tout prix, retenir les initiatives imprudentes de la Russie tsariste. À tout prix, assurer la pleine entente avec l'Angleterre. Enfin, proposer un arbitrage, recours suprême de la paix. Les dépêches tardent, il est 20h. Allons dîner au plus près, au croissant, dit-il, nous y serons davantage entre nous. Il fait chaud, la fenêtre est ouverte, un brise-bise sépare seul Jaurès de la curiosité ou de la malfaisance de la rue. Il est déjà 21h40. Tout à coup, le brise-bise s'agite brutalement et se déplace. Une main s'avance vers la tête de Jaurès. Un scintillement de nickel. Deux éclairs, deux claquements. Dès le premier, Jean Jaurès s'est incliné doucement sur le côté gauche. Une clameur déchirante et aiguë de Marguerite Poisson. Ils ont tué Jaurès! Dans la rue, Raoul Villain est presque aussitôt arrêté. Au milieu des sanglots, le docteur prononce « Messieurs, Monsieur Jaurès est mort. » Dans la soirée du 31 juillet 1914, Jaurès était assassiné. Je l'ai appris le 1er août matin, en allant chercher mon journal, L'Humanité. J'étais alors un jeune étudiant socialiste. J'étais assommé. Et le 1er août et le 2 août, aucun événement ne m'était plus sensible. Comme Jaurès était mort, tout pouvait arriver. J'étais pas encore mobilisable parce que j'étais réformé, ou plutôt ajourné. J'avais 21 ans. Rien ne m'a plus été sensible. Tout pouvait survenir, et la journée du 2 août s'estompe pour moi dans l'assassinat de Jaurès, les obsèques de Jaurès qui allaient suivre, où j'ai porté le drapeau du groupe des étudiants socialistes. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé, comme la quasi-unanimité des Français à l'époque, l'agression allemande, l'irruption allemande et la catastrophe qu'elle est déferlée sur la France. Tout ça peut vous sembler parfaitement naïf, et peut-être que je n'aurai plus les mêmes réactions à l'âge que j'ai, mais c'était exactement mon état d'esprit. 14 000 corvées à faire, 215 000 boutons à chiquer, et 36 milliards de tonnerres, de bonsoirs, de sacrées cochonneries, de fourmis, de monterrières, et de... Ah, je l'attends, c'est le que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, c'est le que mon cœur aime tant. Juillet 14. Il fait chaud, c'est l'été. À Paris, on ne parle que d'une chose, le procès d'Henriette Caillaux, la femme du ministre. Celle qui a assassiné le directeur du Figaro, Gaston Calmette. 6 balles de revolver. Son avocat plaide le crime passionnel. Le 28 juillet, Henriette Caillaux est acquittée. La nouvelle ferait presque oublier que l'Autriche vient de déclarer la guerre à la Serbie. Mais soudainement, tout bascule. Le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et la France décrète la mobilisation générale. À présent, c'est aux soldats de nous raconter la suite de l'histoire. Grâce aux archives de l'INA, qui conservent les rares documents enregistrés à l'époque, ainsi que de nombreux témoignages de poilus, recueillis dans les années 50 et 60, comme celui de Georges Veil, un proche de Jean Jaurès, qui était présent le jour de son assassinat. Monsieur Georges Veil était député socialiste de Strasbourg au Reichstag en 1914. C'est au micro de Jacques Meyer en 1965 qu'il raconte ce que fut son choix d'Alsacien dans ses premiers jours de guerre. Je me préparais à prendre mes vacances en France, comme d'habitude, quand a éclaté l'affaire de Sarajevo. J'ai immédiatement senti que ça pouvait devenir très grave et je suis venu à Paris d'abord, par Strasbourg, et j'ai décidé, en en avertissant d'ailleurs non pas ma mère, dont je craignais l'émotivité, mais mon père, que si la guerre éclatait, je ne retournerais pas à Strasbourg, je m'engagerais dans l'armée française. J'ai été mobilisable le premier jour de la mobilisation dans un régiment d'infanterie allemand à Strasbourg. Je suis venu à Paris, les événements se sont précipités, j'étais avec Jaurès, le soir du 31 juillet 14, assis en face de lui à la table du croissant où nous étions descendus de l'humanité, et j'ai dit à Jaurès à ce moment-là, si, malgré vos efforts, dont tout le monde souhaite l'aboutissement heureux, la guerre devait éclater, je m'engage dans l'armée française. Et Jaurès m'a répondu, je vous comprends. Je me suis engagé le 3 août 14 au 102 d'infanterie. J'ai été envoyé au front avril 1915 parce que j'ai insisté pour y aller. Je ne voulais pas que plus tard on dise il s'est embarqué plus qu'engagé. L'opinion était sous le coup de la guerre de 70 où on avait pris l'Alsace et la Lorraine. Monsieur Quénon. La guerre, on n'y croyait plus, n'est-ce pas ? On n'y croyait plus, on savait qu'elle aurait lieu peut-être un jour, mais enfin, on disait on est les plus forts, ma foi, la guerre ne sera pas longue, ça se terminera bien vite, etc. Donc, on ne disait pas il n'y aura pas la guerre, mais on ne la craignait pas, voyez-vous. D'ailleurs, la guerre ne s'est déclarée que petit à petit, elle a commencé par... par l'affaire d'Autriche, là, qui était relativement peu de choses et qui intéressait peu les Français, au fond. Et puis, comme toujours, les guerres commencent par des petites choses comme ça, et puis ça finit par prendre de l'ampleur, et on arrive à la guerre définitive. tout le monde était convaincu que s'il y avait la guerre, ça serait très rapide et qu'on la gagnerait. Et qu'on retrouverait l'Alsace et la Lorraine par la même occasion. Ce qui a été une erreur, naturellement. Mais non, les gens, on était comme ça. J'ai travaillé jusqu'à la veille de mon départ, quand j'ai reçu ma feuille de mobilisation. Bien, écoutez, tous les gens qui étaient avec moi, qui travaillaient avec moi, avaient reçu leur feuille et ils sont partis. Mais je n'ai pas vu, comment dirais-je, une crainte, si vous voulez, quelque chose de pénible, si vous voulez. Ils acceptaient le fait accompli, n'est-ce pas ? Et les femmes, en sortant, allaient faire la commission, n'est-ce pas, pour faire des paquets pour les soldats qui s'en allaient, etc. Monsieur Vincent de Metz, qui avait 17 ans en 1914, nous dresse le portrait de cette Lorraine qui refusait la situation que la guerre de 70 avait créée. Chaque année, parce que mon père faisait partie du Souvenir français, parce que pour l'entretien des tombes, parce que les Français entretenaient les tombes. Et tous les ans, les jeunes lorrains, on partait en tapissière, il n'y a pas l'auto dans ce temps-là, on partait en tapissière avec 5 chevaux et on allait se disperser sur toutes les tombes. On partait avec un petit râteau, une raclette, et on emmenait en même temps des fleurs et on déposait un petit bouquet sur chaque fleur. Sur chaque tombe, chaque année, le 15 et le 16 août. Chaque année. Et moi, en 1908, je faisais partie, moi, de la Lorraine sportive. La Lorraine sportive, c'était une clique, quoi, une société de musique, une clique des clairons et tambours français. Hein, parce que le clairon, c'était français, le tambour, c'était français. Et nous étions habillés en képi, une veste bleue, marine, une ceinture rouge, pantalon blanc. Et on défilait comme ça, on faisait des défilés. Jusque-là, les Allemands n'avaient jamais rien dit. Mais il y a eu l'inauguration du monument de l'asile, où il y avait 130 000 personnes, en commémoration de l'abat des morts, de la bataille de Borny, Vallières, etc., à l'entrée de Metz, en 70. C'était au mois d'octobre, tout le monde était en chapeau de paille. J'ai encore des photos, moi. Je peux vous les montrer, là. Moi, j'étais en tambour, là, Pierre Comortao. Et on n'a jamais su qui. Il y avait eu 4 caisses de drapeaux. Plein de petits drapeaux, comme ça. Alors, tout le monde avait des drapeaux. Quand on a été pour faire l'inauguration, il y avait un commandant allemand et 4 officiers, et des autres moins élevés, en grade, mais qui est... Halt ! Halt ! Fertig ! Fertig ! Ah, il commence à gueuler. Il gueulait comme des sourds. Hein. Et il nous a interdit, c'était Jean-Pierre Jean, le président du Souvenir français, il lui a interdit de continuer la cérémonie. Parce qu'on avait logé les drapeaux allemands derrière le monument. Ça ne lui a pas plu. Les drapeaux français étaient devant, mais ils étaient devant avec les Fritz. Ça fait qu'on a inauguré le monument quand même. Mais alors, à la suite, il y a eu une enquête, et mon Jean-Pierre Jean, ben, il a eu 2 mois de prison. Et puis mon père, il a eu 15 jours de prison. Et puis les membres du bureau. Et dissolution de l'affaire. Nous avons été dissous. Alors on s'est rhabillé autrement, plus de... On a metté des espèces de bérets, parce que marins, pour faire le machin. Mais plus de képi, plus de bleu, blanc, rouge, c'était fini. Alors, ma foi, on avait l'esprit de résistance, déjà à l'époque, si on peut dire. Hein. On ne pouvait pas digérer qu'on était allemand. Oui, mais on n'a pas le droit de parler français en classe. C'était interdit, ni en récréation. À l'école, on n'avait pas le droit. Moi, j'étais à Saint-Clément, à Metz. Nous étions français, nous. On avait des profs d'allemand, quand même. On apprenait l'allemand. Mais, enfin, moins que les écoles... allemande, le lycée, par exemple, c'était du prussien, hein, puis c'était des Ober, tous des fils d'Ober, hein, fils d'officiers, des machins. On avait des bagarres terribles. Les Lorrains avec les Prussiens, c'était sanglant, des fois. Hein. En ville, tout, on parlait français. Mon père, ma mère connaissaient pas un mot d'allemand. Ils étaient nés avant 70. Mais après, ils ont subi l'occupation, les premiers Allemands. Mais Verdun a été occupé jusqu'en 1973 par les Allemands. Et quand la dette a été payée, ils ont évacué Verdun. Mais Verdun, ils ont occupé Verdun jusqu'en 1973. Eh oui. Et les Lorrains, la moitié ont été foutus en prison. Parce que, bon, il y avait 35 000 hommes à Metz. 35 000 hommes de troupes. Les Allemands, à la guerre de 70, ils ont envahi la Lorraine. Ben, ils ont commencé à amener 200 000, immédiatement, 200 000 fonctionnaires qui ont pris les rouages de toute l'administration. Et puis alors, ils ont les chemins de fer qu'ils ont baptisé Réseau d'Alsace-Lorraine. Mais tout ça était allemand. Tout ça était allemand. Mon père, il ne fallait pas que je prononce un mot d'allemand avec lui. Mais, t'as plus rien que ton prussien, toi. Il m'engueulait. Hein. Ah non, je ne pouvais pas. Alors, et puis en plus de ça, tous les ans, on venait voir la revue du 14 juillet à Verdun. Et avec les Allemands, hein, on avait des trains supplémentaires. J'aurais vu 7 trains supplémentaires, moi, Metz, Verdun, rien que pour voir la revue du 14 juillet. Ah oui. Ça amenait du monde. Et ma sœur, en 1908, elle a fait connaissance d'un soldat français. C'est toujours comme ça. Et puis, elle a correspondu avec. J'avais 6 ans quand je suis venu la première fois en vélo. C'est les revues, c'était ici. C'est à Verdun. C'était déjà une grosse ville de garnison à l'époque. Ah ben oui, 24 000 hommes. Les forts, les casernes ont été construites de 85 à 1914. De quelle classe êtes-vous, Eugène ? 1909. Où étiez-vous en août 1914 ? En août 1914, j'étais cheminot à la gare d'Alassac. Cette guerre, vous la sentiez venir ? On la sentait venir. On la sentait venir, bien sûr, parce que la guerre de 1870, à l'époque, nous paraissait plus récente qu'actuellement la guerre de 1914. Ainsi, en 1896, j'avais 7 ans, je me souviens, ma mère m'avait conduit à l'école et il n'y avait pas d'école maternelle à l'époque. On débutait carrément à l'école primaire. Et je me souviens que derrière la chaire de ma vénérée maîtresse, Madame Bourzès, il y avait une carte de France. Et sur cette carte de France, on voyait une tache noire. Elle nous expliquait que c'était l'Alsace-Lorraine que nous avions perdue. Ah. Et elle nous apprenait à chanter et à réciter des fables. Entre autres fables, il y avait quelque chose qui s'est bien inscrit dans ma mémoire. Je le répéterai volontiers, disait-elle, parce qu'elle jouait de l'harmonium pour nous apprendre à chanter. Mais enfin, il fallait d'abord apprendre les paroles. Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Ce point, c'est toute une province que volèrent les Allemands pour calmer l'appétit d'un prince. Les princes, parfois, sont gourmands. Puisse, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis, la France t'attend. J'ai eu 13 ans le 4 août 1914, c'est-à-dire les premières heures de la guerre. Monsieur Weissmann, nous entrions en vacances scolaires. Pour nous, les vacances scolaires commençaient bien. J'habitais le Trocadéro, par conséquent, pas loin de l'école militaire, avec mon camarade, mon meilleur ami de l'époque, qui s'appelait André Loncle. Nous allions guetter la sortie à l'école militaire des cuirassiers, qui partaient pour la gare de l'Est, avec leurs casques, avec leurs cuirasses, mais recouvertes d'une étoffe kaki, de façon à éviter l'éclat par le soleil qui donnait dur à cette époque-là. Mais les soldats de l'infanterie étaient quand même en pantalon rouge, avec leur barda sur le dos. Enfin, par la suite, je me suis rendu compte qu'ils partaient équipés comme si c'était encore la guerre de 70. Tomber pour nous, c'était les soldats. Ils avaient mis leur baïonnette au bout du fusil. C'est ce qu'on appelait la Rosalie. La Rosalie. Et puis c'était la fête. C'était la fête parce que c'était la guerre. J'appartiens à une génération qui a été élevée avec l'idée que la France devait reprendre l'Alsace-Lorraine. Et j'ai été nourri de tout ce qui s'est passé pendant la guerre de 70. Je comprenais très bien qu'on fasse la guerre et puis qu'on reprenne l'Alsace et la Lorraine. Mais c'était, pour moi, j'avais appris l'histoire de France, j'étais un bon élève dans les livres d'Ernest Lavis, avec de bons professeurs, n'est-ce pas, et je répétais ce qui était dans mes livres. D'ailleurs, la première des offensives que la France a faites, sans se préoccuper du reste, n'est-ce pas, c'est de pénétrer en Alsace à Altkirch, dont nous avons maintenu d'ailleurs les positions pendant pas mal de temps. Les Allemands s'en fichaient pas mal, ils savaient par où ils allaient passer, n'est-ce pas, parce qu'ils ont fait la percée de Sedan, enfin, comme d'habitude, comme toujours. Je vois encore un gros titre dans le Matin. Les Russes à trois étapes de Berlin. On y croyait. Moi, j'étais déjà considéré comme réfractaire avec les Allemands parce que j'ai passé la frontière le 30 juillet 1914. Mon père m'a dit, fous-moi le camp, j'ai les culottes rouges. Quand vous habitiez où ? À Metz. J'étais allemand. En 14, tous les Alsaciens lorrains, nous avons eu des faux livrets en cas où on soit fait prisonnier. Mais mon père n'y a pas coupé, lui, parce que 4 jours après que j'étais parti, c'est-à-dire le 5 août, eh bien, à 10h du matin, mon père était appelé à la police, et ils ont demandé à mon père, votre fils, où est-il ? Ils avaient dû entendre des vents que j'étais parti, probablement, parce que j'étais pas tout seul, nous sommes partis à 3. Alors, le 4e jour, mon père a été arrêté, comme il ne pouvait pas, je ne pouvais pas me présenter, ils m'ont dit, mais on vous garde à sa place. Et ils l'ont envoyé en Haute-Silésie, dans les mines de sel. Et un an après, il revenait aveugle, 18 heures par jour dans les mines de sel, et puis alors, les poumons, puis il est mort en arrière, quoi. Il était très fort pour les otages, tout ça, ils étaient forts, les Allemands, hein. Ça vient pas, non. Ben allez, vous allez venir à sa place. Là où vous étiez à Metz, il y avait beaucoup de jeunes gens dans votre cas qui passaient la frontière. Oh, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont parti, mais alors, il n'y avait plus de train. À partir du 30, il n'y avait déjà plus de train pour la France. Alors nous sommes venus à pied, nous avons suivi la ligne de chemin de fer pour ne pas être embêtés. Et nous avons été embêtés à Montville, nous sommes fait piquer par la gendarmerie. Et nous étions au moins 50, 60, je ne sais pas, dans la salle d'attente de la gare d'Amanvillé qui nous avait bouclés. Et le sacré Pilate de Rosier, là, qui était plus malin, il avait été voir, il y avait des grandes portes-fenêtres, il avait été ouvrir, la porte est ouverte, on peut sortir par là. Au même moment qu'il nous dit ça, on entend un coup de sifflet. Alors, on a sauté, là, il y avait une barrière, on est sorti, on a sauté la barrière, et il n'y avait pas les frites, c'était de l'autre côté, ils ne nous ont pas vus, et on a couru, et on s'est accroché après le dernier wagon, qui était un serre-frein. Puis il n'allait pas vite, le taco. Et sur tout le parcours, Des fricolins partout, des Prussiens, on appelait ça les Prussiens dans ce temps-là. Des Prussiens partout, qui jouaient de l'harmonica, là, et des feux de joie, tout le bazar dans les bois, il y en avait partout, partout. Ils étaient déjà en avance sur nous, hein. Nous, quand on est arrivé de l'autre côté, il n'y avait pas un Français. Arrivé à Batilly avec le train, les douaniers, les gendarmes, les Français qui étaient là, ils nous voient descendre tout d'un coup. Mais qu'est-ce que vous foutez là? D'où vous sortez, vous autres? Ben, on vient de Metz. Ben, vous avez pu passer? Ben oui, ils nous avaient arrêtés, puis on s'est sauvés. Ah, oh, les gaillards, vous êtes des malins, etc. Ils commencent à nous mettre en boîte. Et puis, il était 9h en ce moment-là. Et ma foi, on demande immédiatement, nous, comme des innocents, et quand est-ce que le train pour Verdun, quand est-ce qu'il y a un train pour Verdun? Train pour Verdun, il n'y a plus de train, il n'y a plus de train. Alors, la seule solution, on m'a dit, on ne peut pas coucher ici. Ah ben, si, la carroupie, là, on a été dans le machin, la salle d'attente, là. À 4h30 du matin, on se réveille, vous voyez, mais on n'avait rien à la paillasse, on n'avait rien bouffé, hein. Parce que quand on a voulu prendre le train, moi j'avais un petit sac avec un poulet dedans, hein, une bouteille de Bordeaux, des sardines, du pâté. Vous savez ce que c'est qu'une mère? C'est ma mère qui m'avait préparé tout ça. Alors, j'avais le sac, quand j'ai sauté la barrière à Montbéliard, j'ai balancé mon sac au-dessus de la barrière. Et puis j'ai cavalé, j'ai laissé le sac. Parce que j'ai dit, je manque le train, alors j'ai laissé le sac, j'ai pas ramassé. Alors on n'avait plus rien, et puis eux non plus. Mais une brave femme de chef de gare, de Batilly, elle dit, ben les enfants, venez vous faire un café. Alors, ouais, madame, ah ben oui, il nous a foutu un de ces bols de café roulé, comme ça. Peut être tranquille, était bienvenue. J'en ai jamais mangé un si bon de ma vie. Avec du beurre, de la confiture. Oh non, on n'a pas mangé, on a bouffé. On a crevé. Hey, à 17 ans, on casse bien la croûte. Hein. Surtout quand on n'a pas mangé la veille. Oui, ça fait que ma foi, nous l'a reparti à pied. Et puis tout d'un coup, je vois une camionnette, je me rappellerai toujours une Lucour. Un gars qui arrive, un sergent, je lui dis, pardon, monsieur, vous n'allez pas dans la direction de Verdun, parce qu'il n'y a plus de train, alors on va à Verdun. Ah, mais mon vieux, j'ai pas le droit de vous emmener, moi, combien que vous êtes? On est trois. Ben, vous mettrez derrière les tonneaux, qu'on ne vous voit pas. Il avait des tonneaux, et puis tout vide. Il venait de chez Jupinard, il n'avait pas trouvé de vin. Il est arrivé avec sa Beaucourt, alors là, il m'a dit, je suis en dehors de mon rayon, moi, je peux pas aller à Verdun, là, je risque de tomber sur les gendarmes, et puis de me faire pingler. Alors, ma foi, il est parti, et puis nous, on a continué à pied, plus que 12 kilomètres, et nous sommes arrivés à Verdun à 9h du soir, quoi. Et on était obligé d'aller à la citadelle, au quartier général, l'état-major, nous faire inscrire. Alors là, nous avons eu affaire au capitaine de Jouvenel, le capitaine de Jouvenel qui était directeur du Monde, qui était marié avec Colette, l'écrivain. Oui, je ne savais pas. Ouais. Mais j'ai pris l'apéritif avec lui au Cocardi, ici, deux, trois jours après, et ma foi, avec elle. Mais c'est après que j'ai su que Colette était quelqu'un. C'était une belle femme à l'époque. Oui, moyenne. Bon, moi, je ne m'aurais pas emballé, mais enfin, chacun son goût. Hein. C'était assez difficile, même étant jeune. Ça fait que il a joué un petit peu avec nous, quoi, pour rire. Enfin, il a dit, mais vous êtes allemand, mes petits gars, vous êtes allemand, je suis obligé de vous interner. Je suis obligé de vous mettre en sous-surveillance à la Citadelle. Alors, je commençais à se regarder de travers. Mais on est français, nous. Mais non, vous n'êtes pas français, vous êtes allemand. Vous êtes allemand. Ben oui, oui, on est allemand. J'ai encore mon acte de naissance en allemand, moi. Alors, nous l'a inscrit. Et il nous fait un papier spécial, une carte spéciale, de droit de circuler. Parce que dans Verdun, il fallait avoir des papiers. Et pour sortir de Verdun, il fallait avoir d'autres papiers. On n'avait pas le droit de sortir de la ville. Il y avait des sentinelles partout. C'était gardé partout. Partout. Toutes les portes étaient gardées. La nuit, elles étaient fermées. Le jour, c'était ouvert, mais on ne pouvait pas passer. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Discours de Guillaume II, empereur d'Allemagne, prononcé le 4 août 1914 au Reichstag. Maman, le jour de la déclaration de la guerre de 14, j'avais 2 ans et bien sûr je ne me rappelle pas du tout ce qui s'est passé. Je l'ai entendu raconter bien des fois à la maison, mais... Tu devrais quand même remémorer tout ça et me dire ce qui s'est passé le jour du 2 août. Monsieur Staly. Nous étions dans la batteuse. J'avais 25 personnes à table. Tout le monde était gai, tout le monde était... Le vin... Coulait à flot. Comme coulait à flot. Batteuse. Et puis alors, tout le monde y allait de sa chanson. Quand tout à coup, à 3 heures, nous avons entendu les cloches. Alors on a dit le tocsin, la guerre. Tout le monde s'est tu, on aurait dit qu'il y avait une bombe qui est tombée sur la table. Et puis on s'est levé, on a serré la main, on s'est serré la main, et puis on a dit à Berlin. Le samedi, à 3h de l'après-midi, le tocsin a sonné. J'étais à la carrière des Grandes Tilles là-bas. Alors aussitôt le tocsin, nous sommes tous venus chez le patron pour nous faire payer. Et chacun est parti chez soi. Et le premier jour de la mobilisation a été le 2, le dimanche, le lendemain. Alors là, les gens partaient. Mais le premier, il n'en est pas tant parti. Mais les jours suivants, après, et tous les wagons étaient fleuris de guirlandes de tout. Et puis tout le monde criait « À Berlin, à Berlin !» C'était le jour de mon mariage. C'était le 1er août. Dans la matinée, nous n'avons pas su la déclaration de la guerre, mais vers les 4 heures, on a entendu sonner les cloches. Les gendarmes de Vigeois sont venus, ils ont mobilisé les chevaux. Et l'amusement de la noce a été fini, ça a été très calme et très triste. Mais oui, de la joie s'est passé à la consternation. Oui. Parmi tous ces civils qui tiendront les tranchées, les paysans furent les plus aptes à mener cette guerre-là. Physiquement, de par leur plus grande endurance, moralement également, car les valeurs qui seront défendues là sont les leurs, attachement au sol et aux traditions qui faisaient cette France d'avant 14. Quand la guerre se déclare, ceux qui fourniront près de 40% des effectifs combattants se hâtent d'en finir avec les moissons. Monsieur Desvaux de Charolles. Le 31 juillet, mon père était en train de moissonner dans un petit champ de blé qui était le long d'un bois, et à ce moment-là, on moissonnait à la faute, tu sais. Une faux, et pour faire verser les épis de blé, il y avait une espèce de fil de fer qui faisait tomber comme ça. Et moi, je suivais par derrière et je mettais en javel. Bon, tout d'un coup, on sentait que la guerre était là. Le tocsin sonne. Mon père a dit ben, on finit le champ. Alors, on a continué à faucher. Moi, j'ai remis en javel parce qu'après, vous liez, tu sais comment, ça se liait tout à la main après. Et puis quand ça était fini, mon père a rangé sa faux, aiguisé, etc. On est rentré à la maison, mais... Bon. Alors, dans ce temps-là, comme mon père était agent des eaux et forêts, ils étaient un peu comme les douaniers. Ils avaient chez eux, dans la maison forestière, un équipement. Fusique, sac, tout le bazar dans le dos, la gamelle et tout. Alors, mon père, quand il est rentré, lui... Puisqu'il était mobilisé le premier ou deuxième jour, vérifie son fusil de belle, le graisse, etc. Et je me rappelle un détail, parce que c'était l'expérience qu'il avait dû lui apprendre, que quand un fusil reçoit la pluie, si la pluie entre dans le canon, ça rouille. Et après, pour le dérouiller, c'est un travail, parce que tu as fait ton service militaire. Bon, et ben dans le temps, on regardait le fusil comme ça, la crosse du côté du gradé, et regardez par le trou s'il y avait de la rouille, il fallait continuer à stiquer. Alors mon père avait mis un bouchon sur le canon de son fusil de belle, un petit bouchon taillé, et puis ma foi, ce qui se passe d'habitude, quoi, les adieux, les plaintes. Ma mère, évidemment, s'est lamentée, quoi, tout ça, etc. Les voisins, mais tout le monde était dans le même cas, parce que tout le monde avait son fascicule. Il y en a qui partaient le deuxième jour, d'autres qui partaient le sixième. Et chacun... moi, comme on était en dehors de la ville, il n'y a pas eu d'attroupement. Chacun a dû préparer, faire ses lamentations en famille, après, quoi. Alors, le deuxième jour... Il est parti à la gare de Charolles avec son sac au dos, son fusil, tout son bazar. Il n'avait pas de cartouche, par exemple. Et puis, quand je suis arrivé, je l'ai accompagné, moi. Et quand je suis arrivé là-bas à la gare, ben, il y avait le train de marchandises, les hommes en 8 chevaux en long et 40 hommes, etc. Alors, ma foi, il y avait les Charolais qui étaient là, les paysans. Les gens avec la musette bondée, le goulot du canon, de la bouteille qui passait, etc. Et puis le train est parti, c'est tout. De quelle classe êtes-vous, monsieur Rouault ? La classe 910, monsieur Tournet. La classe 1910, vous 1910. Étiez donc un des premiers à partir. Eh bien, j'étais réserviste mobilisable le deuxième jour de la mobilisation. Et alors, la mobilisation partant de minuit entre le samedi et le dimanche, je devais partir le lundi. Et le jour où le tocsin a sonné, c'était le samedi. C'est le Tocsin qui vous a appris la mobilisation. Eh bien, nous étions bien au courant que les choses ne tournaient pas bien rond, mais enfin, c'est le Tocsin qui nous l'a appris. C'est le Tocsin qui nous l'a appris. Où étiez-vous à ce moment-là? J'étais parti avec mon père pour déchaumer. On venait de finir la moisson la veille, et aussitôt que nous avons été arrivés, on a entendu les cloches, puis... On a aperçu un homme qui montait dans un sentier, tout près de nous. Et mon père s'est avancé au galop pour lui demander qu'est-ce que c'était que ce son de cloche, vers 3 heures du soir, par là. Et il a dit, mais c'est la guerre, c'est la mobilisation générale. Ma foi, on a abandonné le travail tout de suite. Nous avons remis nos outils dans la charrette. Et nous voilà rentrés parce qu'on ne connaissait pas. C'était le deuxième jour que je devais partir, mais nous ne savions pas quel était le premier jour. Et alors, je suis descendu à la sac aussitôt que j'ai été de retour pour me renseigner. Et j'ai appris que ce n'était que lundi que je devais partir. Qu'avez-vous fait la journée du dimanche? Eh bien, le dimanche matin... J'avais l'habitude d'aller à la messe, mais je suis allé à la première messe qui se disait à ce temps-là vers 5 heures, et j'ai fait la communion. J'avais eu ce conseil de mon ancien capitaine, le capitaine de la garnerie, commandant la 4e compagnie du 108e, que j'ai retrouvé en rejoignant ma compagnie le mardi 4 août. Parce que pour faire les 100 km ou guère plus qui nous séparent de Bergerac, il a fallu 2 jours. Et dans quel état d'esprit êtes-vous parti à la guerre? Eh bien, ma foi, on partait avec ce sentiment du devoir propre à tous les soldats, ou à peu près, de ce moment-là. On nous avait appris l'esprit de corps. On nous avait appris, il y avait peu de temps, puisque je ne revenais que depuis quelques mois, du régiment, on nous avait appris les obligations du soldat. Et surtout, mon livret manticule était vierge. J'avais eu à cœur toujours de faire mon devoir pour le mieux. Et c'est ce qui me donnait le sentiment de partir sans arrière-pensée pour servir la France. Vous vous rappelez du jour où on a déclaré la guerre de 14? Ah oui, bien. Vous avez la farandole. Madame Rose. Je faisais la farandole. Parce que j'avais 6 ans. Juste. Et quand on a déclaré la guerre, il y avait un tambour qui passait dans les rues pour annoncer la guerre. Et il y avait le sergent de ville qui se trompetait. Et nous avons cru que c'était une fête. Alors tous les petits du village, nous suivions le tambour et la trompette. Et puis il y avait les femmes sur le trottoir qui pleuraient. Alors on disait quand même, pourquoi elles pleurent? On était en fête. On ne se rendait pas compte de ce que c'était que la guerre. Après, alors, on a compris. Je me rappelle bien, c'était le 4 août 1914. Il n'est pas un seul de nos soldats, il n'est pas un seul citoyen, il n'est pas une seule femme de France qui ne comprenne clairement que tout l'avenir de Raymond Poincaré, président de la République française, août 1914. Nous sommes suspendus au jour de minute de cette guerre inexorable. Nous avons la volonté de vaincre, nous avons la certitude de vaincre, nous avons confiance dans notre force et en celle de nos alliés, comme nous avons confiance en notre droit. Moi, je vous dis, je pensais plutôt que c'était une guerre comme la maison de Pétain contre Félix Pétain, contre Damois, par exemple. Pour moi, ça ne m'intéressait pas davantage. Monsieur Staly. Moi, je disais, mon rôle était un petit peu, si vous voulez, une espèce d'anarchiste chrétien. Moi, je n'aurais pas fait le mal à une mouche, mais enfin, quand même. J'avais des idées quand même plutôt pacifistes, moi. Je n'ai jamais adhéré à personne, ni à un groupe, je veux dire un parti. Alors, j'étais relativement indépendant. Mais quand même, ça ne me laissait pas neutre. Il ne serait pas venu à l'idée, par exemple, en 14, de ne pas partir. Quand je voyais les gens partir, là, tout de suite, j'ai dit, il faut que j'y aille aussi, moi, parce que je ne peux pas rester indifférent et me faire traiter d'embusqué, par exemple. Alors que ce n'était pas ça du tout. C'est moi, j'étais contre la guerre dans son principe. Et, au fond, aimer la guerre. Il faut être soldat un forcené pour aimer la guerre. Mais il y en a. Regarde Barrès, qui était aussi... Barrès, moi, je l'ai connu, il était... C'était quand même un grand écrivain, mais n'empêche pas moi que c'est à ce point de vue-là, il était lamentable, de même quand il était à la Chambre des députés. Alors, c'était plus du tout le gars de l'ennemi des lois qu'il avait écrit avant, quand il était jeune. Alors, ces gens-là parlaient tous de s'engager. Quand la guerre arrive, vous n'aviez pas terminé votre service militaire, vous êtes Ah non, non, non. Mais non, le 2 août, j'étais mobilisable le 2 août, et alors j'arrive à Rouen, j'étais à Rouen, encore soldat. Alors je suis resté quand même au moins 2-3 mois. J'ai vu arriver la classe 11, la classe 12. Mais c'est tout, je crois. Mais ça faisait... Et puis ils étaient préparés rapidement. Au bout de 3 semaines, on leur apprenait à manier le lobel, et puis ça y est, et puis hop, au front. Alors c'est là qu'il y a eu des catastrophes. Même le père Joffre, j'abominais, parce qu'au fond, le père Joffre, c'est lui qui a été responsable des grandes tueries du Nord, par exemple. Parce que lui, la furia française... Alors, pas, mais comme s'il n'y avait pas le feu. Il y avait pas, c'était la furia française. Et puis, alors là, ça, l'histoire de Charleroi, de tout ça, c'est épouvantable, à la retraite, jusqu'à la bataille de la Marne. Et alors, quand même, là, il a eu un trait humain, quand même, Joffre, parce qu'on lui avait dit qu'il faut éliminer, après la victoire, ce qu'on appelait la victoire de la Marne. Et alors, il a dit non, il y a eu trop de morts. C'était quand même assez émouvant de la part de Joffre, pas qui était partisan, lui. Mais il savait pas que la guerre tuait. Alors, mais enfin, il se défendait bien. Il a fallu attendre Verdun pour chasser Joffre. Parce que lui, il voulait faire... fallait résister. Ou il voulait passer la Meuse, je ne sais plus exactement quoi. Mais alors, il a été liquidé à ce moment-là. Mais il a duré quand même depuis le début jusqu'en 16. Hein. Le 31 août 1914, le maréchal Hindenburg célèbre la victoire écrasante de l'Allemagne sur les Russes à Tannenberg. Il s'agit de l'une des premières victoires déterminantes pour l'Allemagne. Une bataille au cours de laquelle près de 9000 soldats russes ont été faits prisonniers. Und wir unsere sieggewohnten Fahnen in feines Land hineingetragen haben. Es lebe seine Majestät der Kaiser und König. Hurra! J'ai vu l'invasion de 14 avec un épisode d'alcoolique absolument ahurissant au départ, qui était celui-ci. Robert Caby. On avait prédit, dès qu'on avait appris que les Russes était entré en guerre, n'est-ce pas, contre l'Allemagne. On avait prédit, oh, les Russes vont venir à notre aide, etc. Le génie a fait sauter les ponts, en particulier le pont de Compiègne, dans les derniers jours du mois d'août, je ne sais plus les jours, 1914, n'est-ce pas? Et puis la ville avait été, non pas évacuée officiellement, mais abandonnée de services, par ses services officiels et par l'armée, etc. Tant qu'on était là un peu perdu, dans un pays, on ne savait pas, on n'avait plus de nouvelles, on savait que les Allemands avaient avancé énormément, mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Or, un beau jour, voilà que sur la colline de Margny, qui est au-dessus de Compiègne, qui n'est pas une colline très haute, sur cette colline de Margny, apparaissent un jour des silhouettes, des choses, des armées. On dit c'est une armée qui arrive là, etc. Je ne sais pas comment le bruit est venu, mais c'est tellement comique. C'est tragicomique, mais c'est comique parce que c'est typique de la façon dont se répandent les bruits dans des périodes comme celle-là. On dit « Ce sont les Russes !»« Ah, ce sont les Russes, ce sont les Russes !» Voilà qu'au début de l'après-midi, descendent des hommes vêtus de houppelandes grises, avec un bonnet à poil, et la foule a crié « Vive les Cosaques ! Vive les Cosaques ! Sont les Cosaques !» Non mais je vous assure que c'est vrai. Les vieilles rumeurs de l'Empire qui traînent. Vive les Cosaques, sont les Cosaques qui viennent à notre, au secours de la France. Les Cosaques là, vous vous rendez compte de l'imbécilité d'un truc pareil. Alors les Allemands devaient bien rigoler tous les deux. Ils sont entrés près de la ville de Compiègne, au Margny, qui joue sur Compiègne. Ils sont passés, ils sont montés, ils étaient deux. Uniquement deux. Avec un petit machin blanc. Ils sont allés à l'hôtel de ville où ils en ont parlé au secrétaire de mairie. La foule était massée sur la place de l'hôtel de ville, n'est-ce pas? Et on criait toujours vive la Russie, n'est-ce pas? Ça fait carrément un peu mal. Au bout d'un quart d'heure, n'est-ce pas? Le secrétaire de mairie, le vieux père Villette, je me souviens de son nom, sort et dit: mes concitoyens, mesdames, messieurs, je vais beaucoup vous décevoir. Ces hommes qui viennent de venir ne sont pas des soldats russes. Ce sont des émissaires de l'armée allemande. Et ils demandent à la ville de se rendre. Et si la ville ne se rend pas, la ville sera bombardée dans quelques minutes quand les officiers auront passé la veille, etc. Étant donné que les canons sont là, pour bombarder. Ça a été le premier contact avec l'armée allemande à l'époque. Comment a réagi la population là? Effaré. Il y avait du monde, hein. Oh là là, il y en avait du monde là, à ce moment-là encore. Tout le monde était sorti pour acclamer les Russes. Il y avait peu de gens qui avaient évacué Compiègne encore à ce moment-là. Mais non, mais parce qu'on ne savait plus. On disait oui, l'armée s'en va, etc. Mais on n'avait plus de nouvelles à ce moment-là. Il n'y avait pas la radio. On n'avait plus de nouvelles. Bref, les Allemands sont donc entrés dans Compiègne. Et puis ça a été un défilé pendant plusieurs jours. Le défilé de toutes les troupes allemandes descendant du nord, puisqu'ils avaient envahi là par le nord, et marchant sur Paris. Défilé comprenant des centaines et des centaines de tombereaux de paysans, chaque vieux paysan conduisant son tombereau, chargé de soldats allemands, etc. Plus aussi des véhicules automobiles, il y en avait déjà. Mais c'était des paysans hein? Des paysans allemands? Mais non, des paysans français, réquisitionnés par l'armée allemande pendant sa traversée des provinces françaises du Nord. Voici un très rare document d'époque, première tentative de propagande par les ondes, qui annonce le débarquement des Anglais sur le sol français. Here we are. Now we stand below. Make way there for the early doors. Early doors, ninepence. It's a long way to Tipperary. Late for the red, white and blue. Here for the red, white and blue. stop it? No! Shall we win? Yes! Au début de la Première Guerre, j'avais 18 ans. J'étais dans un petit village en Seine-et-Marne, un petit village de 1000 habitants, 950 habitants, du côté de Coulommiers, en Seine-et-Marne. Madame Villard. Ça s'appelait Touquin, ça s'appelle encore Touquin. T-O-U-Q-U-I-N. C'est entre Rosay-en-Brie et Coulommiers. Ils sont arrivés chez nous. Ma mère parlait l'allemand, parce que je suis fille d'Alsacien, moi. Mon père et ma mère étaient Alsaciens. Ma mère parlait l'allemand. Il est arrivé un officier chez nous. On a eu peur. On a descendu mon papa à la cave parce que ça tonnait de tous les côtés. Ça tonnait. Ils arrivaient. La première chose qu'il a demandé à ma mère, combien de kilomètres d'ici Paris? Ma mère lui a dit 50 kilomètres. Demain matin, nous y sommes. Ils se croyaient à Paris le lendemain. Et vous saviez, quand vous les avez vus arriver, qu'ils étaient si près de Paris déjà? Mais moi, j'ai eu peur. Ma mère m'avait envoyé en exode. Tout le monde partait en exode avec des petites voitures à bras. Alors ma mère a eu peur pour les jeunes. Ma fille, qui n'a même pas 19 ans, ils vont la violer. On était bêtes à la campagne. Ils avaient peur. Alors tout le monde partait avec des bagages. Alors ma mère a dit à une voisine, elle dit, moi je reste avec mon mari, mais emmenez-moi ma fille. Elle avait donné un peu d'argent à la voisine. Et alors en route, tout d'un coup, je dis, oh, je ne pars pas, je retourne. Arrivera ce qui arrivera, je ne veux pas laisser mes parents tout seuls. Je suis retournée à la maison. Ils ont été charmants. Un officier allemand qui parlait à ma mère me traduisait, a demandé mon âge. Alors ma mère lui a dit, ben, elle va avoir 19 ans. Alors ça, c'est l'apothéose. Après la guerre, quand nous aurons gagné la guerre, je viendrai vous la demander en mariage. Ça a été l'apothéose pour moi. Et alors, il y avait des petits soldats en face. Il y avait un parc en face chez nous, il y avait des marches. Il y avait un soldat qui était en train de manger. Tout d'un coup, nous entendons des coups de sifflet stridents. Des coups de sifflet. C'était le départ de la retraite. Ils ont commencé à battre en retraite dans mon village, à côté de Maupertuis. Toute la grosse troupe était à Maupertuis et il y avait l'avant-garde qui était chez nous. Il y avait une cinquantaine de soldats. Et il y en avait un qui était blessé dans le parc, qu'on a ramassé. Alors ils sont partis, ils ont mis le feu à des meules, ils ont fusillé un fermier qui avait une ferme un peu plus loin, ils ont brûlé la ferme, ils ont mis le feu un peu partout. Et ils sont partis en débandade. Ça a été le commencement de la retraite de 14. Et moi, je voulais voir. J'étais bête comme tous les jeunes. Je voulais voir. Et les balles me sifflaient aux oreilles. Ma mère avait beau crier, mais rentre, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais rentre à la maison. On avait mis là, mon papa, on l'avait descendu à la cave, on avait peur. Et moi, je voulais voir. Et bzzz, les balles me sifflaient aux oreilles parce qu'il y avait les Anglais d'un côté qui arrivaient et les Allemands avant de s'en aller, qui tiraient encore. Et moi, j'étais entre les deux dans le jardin. Je voulais voir la bagarre, moi. Comme on est bête à 18 ans. Ça n'a pas changé. Et puis après, ma foi, ils sont partis. On a retrouvé un Allemand blessé, très gravement blessé. On ne distinguait pas à la campagne si c'était un Allemand ou un Anglais, parce que les Anglais arrivaient. Alors on l'a étendu dans une grange, on est venu chercher ma mère pour lui parler. C'est là qu'on a compris que c'était un Allemand. Alors moi je dis, voulez-vous que je prenne ma bicyclette? J'étais bête. Voulez-vous que je prenne ma bicyclette? Ils étaient à Maupertuis, à 1 kilomètre. C'est le village où il y avait tout le gros de la troupe. Voulez-vous que j'aille prévenir sa troupe, moi? Ah non, madame, c'est un Allemand. On va le faire prisonnier. Quand les Anglais vont arriver, ça va être un prisonnier. Alors on l'a gardé quand même, ils l'ont soigné, ils l'ont étendu dans une branche sur la paille. Alors après, quand les Anglais sont arrivés, ils ont dû l'emmener. Mais moi, j'ai vu la bagarre. Hein. 14-18, la guerre racontée par les archives. Une série LSD de Christelle Le Polotec et Nathalie Battus. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Mixage, Alain Joubert. Merci à l'INA, aux archives départementales du Var et aux Laut Archives de l'Université Humboldt de Berlin.